بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ندخل مباشرة في قراءتنا من المسألة 68 depuis la 68e مسألة، وهي مدحهم أنفسهم بما ليس فيهم، qu'ils se vantent de ce qui n'est pas en eux, qui s'attribuent des qualités qui ne sont pas les leurs. فَقَالَ فِي الْمَتْ دَعْوَاهُمْ الْعَمَلْ بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْحَقِّ كَقُولِهِ مَعَ تَرْكِهِمْ إِيَّاهُ. Voilà, on a qu'ennahu, là on dirait que le verset est manquant. Dans le mot que j'ai. Et l'aïa, il y a, où il dit qu'il est là, aminu bima anzil Allah, qu'alu nu'minu bima anzil alayna. Allah alam. Dans l'édition que j'ai là, le verset, il est manquant. Donc, c'est qu'ils prétendent appliquer ce qu'ils ont comme vérité, tout en le délaissant, à l'inverse de cela. Et la preuve, c'est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et s'il leur est dit, croyez en ce qui est descendu, en ce que Allah fait descendre, ils diront, nous croyons en ce qui est descendu sur nous. Faqala al-Sheikh al-Fawzan, Hafidhahullah ta'ala, min masail al-Jahiliya, da'wa al-Yahoud al-Amal bima indahum min al-Haq, ma'atarkihim iyahu, kama qala ta'ala, wa idha yaqila lahum aminu bima anzala Allah, qalu nu'minu bima unzila alayna. Donc là, il répète ce qui a été dit dans le batn, que les Yahoud prétendent appliquer ce qu'ils ont comme vérité tout en délaissant ce qu'ils ont, tout en le délaissant. Et il se servit du même verset, il citait le même verset. Ya'ni ma'na hadha bima unzila alayna, ce qui est descendu sur nous, ma'na bima unzila ala rusulina min anbiya bani Israël. C'est-à-dire, nous suivons ce qui est descendu sur nos messagers des bani Israël. Car ce verset est descendu sur les Yahoud. Parce qu'il leur a été dit justement, ils ont dit nous croyons en ce qui est descendu sur nous, c'est-à-dire sur nos messagers. Faqal, ma'anna allazi ja'a bi Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam la yukhalifu ma ja'a bihi rusuluhum ya'ni ghayra mimma unzila ala Isa wa Muhammad. Tout à savoir que ce avec quoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam venu ne s'oppose en rien avec ce quoi sont venus les messagers des Bani Israël, ou Isa kazalik. Car eux, justement, les Yahoud, tamam, taraku Isa, alayhi salam, ou à Muhammadan, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas voulu les suivre. Donc cela amène à quoi? Qu'ils ont prétendu se vendre de suivre la vérité de ce qui est descendu sur leur prophète, tout en le délaissant. S'ils avaient vraiment suivi ce qui est descendu sur leur prophète, ils ont accepté Isa et Muhammad. Donc tout cela est en concordance, hormis les choses qu'ils ont altérées dans leurs livres, de eux-mêmes. Mais la base de ces kutub, c'est la même chose. Après, ce sont eux qui ont modifié leurs livres. Donc il se peut qu'aujourd'hui, ils disent, nous, dans notre livre, il est écrit telle et telle chose, et vous faites telle et telle chose. On n'accepte pas. Ou certaines choses ont été abrogées par la nouvelle législation. Kazalik. Donc Allah SWT leur a répondu sous deux angles. Awalen, أن ما جاء به محمد لا يخالف ما جاء به موسى من توحيد الله وإفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه بل هو مصدق لذلك. Donc premièrement que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a rien apporté qui s'oppose au message de Moussa alayhi salam en ce qui concerne le tawhid, d'unifier Allah dans l'adoration et de délaisser l'ibada de ce qui est en dehors de lui. Là-dessus il l'a confirmé. والأمر الثاني, deuxième, c'est que أنهم غير صادقين حتى فيما دعوا أنهم يؤمنون به عبدوا العجل وقتلوا الأنبياء وقولهم قلوبنا غلف وعدم وفائهم بالميثاق الذي أخذ عليهم وهذا يتناول كل تعصب مذموم. Donc également qu'ils ne sont pas véridiques même lorsqu'ils prétendent ce en quoi ils prétendent croire, car ils ont adoré le veau, ils ont tué les Anbiya, ils ont dit nos cœurs sont hermétiques, on ne comprend pas ce que vous dites. Et également qu'ils n'ont pas tenu leur engagement qui leur a été pris. C'est-à-dire de suivre les NBA. qui devaient suivre par là, qui devaient arriver par la suite. Et tout cela est lié à leur ta'assoub, mazmoum, leur fanatisme, basé sur leur groupe à eux, leur sectarisme. Fahaza, ils prétendent des choses, et se vantent de choses qui suivent la vérité, et en réalité la délaissent. Wa kama qala ta'ala, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yafhalu. Et ils aiment être vantés de ce qu'ils ne font pas. Kadhalika, da min sifat al-jahiliya. Qu'une personne aime se faire vanter de ce qu'il ne fait pas en réalité. Et ça, c'est une chose qu'on croit, qui est fortement répandue également à notre époque. Chez les Hizbis, chez beaucoup de gens qui prétendent, nous on suit le Dalil, nous on suit le Haq, nous on sauve la vérité, et en réalité la délaissent. Que des prétentions. Et ils aiment qu'on leur dise, ces gens-là sont des gens fermes sur la religion, ce sont des gens sincères, ce sont des gens véridiques, ce sont des gens qui ont de la science, et en réalité, ces sifat-là ne sont pas en eux, ils émanent, rahmahullah, ala al-azaf. Donc ceux-là, ces gens-là ressemblent aux gens de la jahiliya, en agissant de la sorte. قال المسألة التاسعة وستون وسبعون. Donc là, il a mis deux nouvelles masala ensemble. 69e et 70e. زيادتهم في العبادة على ما شرعه الله ونقصهم منها. Qu'ils ajoutent des choses lorsque Allah s'en a légiféré comme adoration. Et ils en enlèvent, كذلك. Ils en réduisent. Yani, ils délaissent, ils ajoutent certaines choses et en délaissent d'autres. فَقَالَ أَزْيَادَ فِي الْعِبَادَةِ كَفِعْلِهِمْ يُمَ عَشُورَ وَنَقْصُهُمْ مِنْهَا كَتَرْكَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتِ. Par exemple, qu'ils ajoutent des adorations comme ce qu'ils ont fait le jour de Ashura. Et qu'ils en délaissent d'autres, comme le fait de délaisser la station à Arafat, fil Hajj. فَقَالَ أَشِيرْ فِي الْشَرْحِ. حفظ الله تعالى. أما زيادتهم في العبادة فكما يفعلون يوم عاشوراء وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم، وهذا يوم حدث فيه حدث عظيم وهو إغلاق فرعون وقومه، وإن جاء موسى عليه الصلاة والسلام وقومه. Donc ils ont ajouté comme adoration. Comme ils l'ont fait, par exemple, le jour de Arafat. Là, il parle de Yahoud. Qui est le 10e jour du mois de Muharram. Le jour dans lequel s'est passé un événement immense qui fut la libération du peuple de Moussa, alayhi salam. Et également la noyade de Pharaon, que Pharaon fut noyé. Donc c'est le jour où la vérité fut sauvée. Moussa, alayhi salam, a jeûné ce jour. Pour remercier Allah, subhanahu wa ta'ala. Et ce siyam est resté mashrou' pour les musulmans par la suite. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait la hijra, il a trouvé les yahoud et les médina qui jeûnaient ce jour à Ashura. Fasa'alahum limaza yasumunahum. Donc ils ont dit, parce que c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa et son peuple. Et il a détruit Pharaon et son peuple. Donc Moussa a fait le siyam ce jour-là, donc nous aussi nous le faisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Nahnu ahakku bi Moussa minkum » Nous sommes plus en droit de Moussa que vous. De le suivre que vous. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans mahu, et il a ordonné de faire ce siyam. Au début, le somme de Arafat, de Ashura, il était wajib. Là, c'était avant que Ramadan ne soit rendu obligatoire. Le jeûne de Ashura était wajib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le jeûner, et de jeûner un jour avant. Et une version que le chien là il cite, et un jour après, et en réalité, Adal Hadith fi kalam, et en plus c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il aurait aimé et faire, qu'il n'a pas ordonné de faire. Que s'il avait vécu un an de plus, il aurait jeûné un jour après. Et malgré cela, le Hadith fi kalam. Le Hadith, il est discutable. Cet ajout dans le Hadith est discutable. C'est-à-dire, les ulama qui l'ont affaibli. Donc, ce qui est mashrou', c'est jeûne de Arafat et un jour avant. Allahu ta'ala alam. Donc il a ajouté ce jour juste pour s'opposer aux Yahoud, pour ne pas faire comme eux. Car de notre religion, il nous est obligatoire de contredire les mouchilikines et les Ahl-Kitab. Donc, les Yahoud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce jeûne, ce jour de Siyam, ils ont rajouté. Ils en ont fait un jour de Eid. Ils ont embelli leurs maisons, ainsi que leurs enfants. Ils se sont revêtus de leurs plus beaux vêtements, ainsi que leurs femmes. Et ils en ont fait un jour de Eid. Donc ils ont rajouté à ce qui leur a été légiféré, qui était juste un siyam. C'était un simple jeûne, pas un jour de Eid. Ils en ont fait un jour de Eid. Donc cela fait partie des sifas des gens de la Jahiliya. Les koufars le font aussi aujourd'hui. Un jour où s'est passé un événement qui touche, qui marque l'histoire, ils en font un jour de fête. Ils en font un jour de fête. Ma'rouf. Par exemple, les jours où il y a eu des libérations dans la guerre, des jours où il y a eu telle et telle chose, ils les mettent dans leur calendrier, ils en font un jour férié, et c'est un jour de fête. Donc en étant de la sorte, ça c'est des gens de la Jahiliya qui font ça. C'est parmi leurs sifat à eux. Les Rafidah, ils en font de même, fi yom al-ashura, yartabirunahu yom hazn. Ils en font un jour de tristesse, un jour de deuil, car c'est le jour où Al-Hussein l'a été tué. Donc, savez ce que les Rafidah ils font ce jour-là comme mordassat, comme chose innovée, et même comme acte, il y a un qui se pas marcoul, car ils se fouettent, ils se flagellent eux-mêmes pour, soi-disant, compatir avec ce qu'a ressenti Al-Hussein comme douleur. Et ces choses-là sont mordassat. À la colline, Rafidah, ce qu'ils font, c'est pas considéré, car ces gens-là ne sont pas des musulmans. Et à l'inverse de cela, نقصهم من العبادة فكما حدث منهم في الحج كانوا في الجاهلية يحجون بالبيت لأنه من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن أدخلوا في الحج تغيرات والشركيات لأن الله شرع الوقوف بعرفات في الحج فصاروا لا يقفون بعرفة بل يقفون في مزدلفة وهذا نقص في العبادة. Donc par contre, ce qu'ils ont délaissé comme adoration, leur réduction des adorations, c'est comme dans le hajj qu'ils ont fait par exemple. Dans la Jahiliya, ils faisaient le Hajj. Car c'était parmi les choses qui restaient des ibadats d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Cependant, ils ont, dans le Hajj, rajouté des choses nouvelles. Ils ont porté des changements. Et des shirkiyat. Car Allah subhanahu wa ta'ala avait légiféré la station à Arafat. Et eux, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait à Muzdalifa. Donc ça veut dire qu'ils ont réduit de cette adoration qui était la station à Arafat. Rien, car Muzdalifa, ce qui apparaît, moi j'ai jamais fait le Hajj, donc je ne connais pas le lieu comment il est, mais Muzdalifa apparemment c'est avant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu, il a fait le Hajj, eux ils pensaient qu'il allait s'arrêter à Muzdalifa et il a rajouté. Il allait plus loin. Et il a fait le Qiyam à Arafat. Faqala al-Sheikh, fa hakadha kullu man naqasa shay'an min al-ibada fa inna waladin ahl al-jahiliyyah. وكذلك من زاد في دين فإنه ولا دين أهل الجاهلية فالبدع والخرافات كلها من دين الجاهلية. Donc toute personne qui a délaissé une chose, qui a réduit une chose dans les ibadah, est sur la religion des gens de la jahiliya. وكذلك celui qui rajoute une chose comme innovation, comme mythe, comme transgression en guise d'adoration, est sur le dîn des gens de la jahiliya. هكذا قال. فنقول يعني clairement هذا شأن les gens de la bid'a. Ça c'est leur شأن, ça c'est leur cas exactement à la wajh al-umum. Tu les vois exagérés et mujtahidin dans leur bid'a qu'ils ont inventé. Et tu les vois négligents et même délaissés les choses de la sunna, certaines obligations. Même certaines wajibat, ils les délaissent. مثلا tu vas voir des gens comme les soufis le jeudi soir ici. Ils font des doigts, ils se regroupent et ils chantent à je ne sais pas combien, jusqu'à je ne sais pas quelle heure, ou pendant Ramadan, à l'entrée du mois de Ramadan ou à sa sortie, ils se réunissent et ils font des doigts en groupe et ils chantent ensemble et ils font. Des choses qu'ils ont inventées. Le Tarawih, tu les vois, chez eux ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Ils font Al-Fatiha, Kulu Wallahu Ahad, ils font pareil presque sur tout le Tarawih. Ils dépassent pas du Zahma. Tarawih pour eux c'est que du Zahma. Et je dis pas qu'ils font du Zahma en une nuit. Non, ils font une partie du Zahma un soir, une partie du Zahma un autre soir, et ainsi de suite, à kaza, à kaza. Et ça c'est une sunna. Et à la base la sunna c'est tatouil, d'allonger le qiyam de Tarawih. Ce n'est pas obligatoire. Ou même dans les wajibat, tu vas les voir, délaisser des wajibat. Les choses

تعبدهم بترك الطيبات من الرزق وترك الزينة من اللباس. Qu'ils délaissent, qu'ils adorent Allah en délaissant des choses de la subsistance permise et en délaissant l'embellissement parmi les beaux vêtements. قال في شرح أي تقربهم إلى الله بترك الطيبات من الرزق وترك اللباس لباس الزينة وهذا عند النصارى ومن شابههم من الصوفية المنتصبين إلى الإسلام يتركون الطيبات تعبدا لله عز وجل. Donc ils se rapprochent d'Allah en délaissant les bonnes choses, les subsistances du risque et les beaux vêtements. Et cela, c'est une chose qui est présente chez les Nasara, c'est vrai. وَمَنْ شَبَهُمْ لِلصُّوفِيَا كَذَلِك. Parmi ceux qui leur ressemblent, parmi les Soufia qui s'apparentent à l'islam. كَذَلِك. Ils délaissent les bonnes choses que Allah leur a rendues permises en disant, en faisant passer pour des ascètes, des zuhad, des dévots. مَثَلَنْ لِيَتَزَوَّجُنْ أَنِّسَا. C'est marlouf chez les chrétiens, beaucoup d'entre eux ne se marient pas. Les prêtres, les moines. وَلَيَكُلُونَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. Des choses bonnes, de la nourriture et les délaissent. Par piété, soi-disant. وَقَالَ تَعَالَى كُلْ مَنْ حَرَّمَ زِنَةَ اللَّهِ أَلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِي وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Dit qui donc a interdit la parure d'Allah qu'il a donnée à ses serviteurs ainsi que les bonnes choses du risque. وَقَالَ تَعَالَى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. Ô vous qui avez cru, ne rendez pas illicites les bonnes choses que Allah vous a rendues licites, justement. Donc ils sont rendus illicites plein de choses, ces gens-là. فهذا من صفات يعني أهل الجاهلية. Ça c'est parmi les صفات des gens de la جاهلية. ثم قال ومن حرم حلالا مجمعنا لحله ارتدى عن دين الإسلام. فإذا أضاف إلى ذلك اعتبار هذا من التعبد لله عز وجل فهذا افتراء على الله لأن الله لم يشرع لعباده ترك الطيبات بل أمرهم بالأكل منها. Donc toute chose, toute personne qui rend halal ou haram, le contraire, par exemple, il rend halal une chose qui est haram ou haram une chose qui est halal, sur lequel il y a ijma, ce sont côté halal ou haram, celui-là est l'apostasie de la religion. À la kufr. Et si en plus il fait cela en guise d'adoration, alors ça c'est un mensonge sur Allah SWT. Car Allah n'a jamais légiféré cela pour ses serviteurs, de délaisser les bonnes choses. Mais bien au contraire, il leur a ordonné de les manger. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà corrigé certains de ses sahaba, de ses compagnons, qui allaient agir de la sorte en délaissant مثلاً, le mariage, ou le fait de dormir, ou le fait de manger la journée. Il leur a dit, أنا أتزوج النساء وأقوم وأنام وأصوم وأفطر. Moi, je me marie avec les femmes. Il dit, je mange et je jeûne, je fais les deux, et je me lève et je dors la nuit. من غريب عن سنتي فليس مني. Celui qui délaisse ma sunna ne fait pas partie de moi. Donc celui qui délaisse ces choses-là, تعبداً لله, il sera opposé à la sunna. Et il y a des gens, ils font aujourd'hui des choses qui sont similaires, soi-disant en boycottant des produits faits par les koufars, ils en ont fait une adoration. Dans certains cas, ça peut être légiféré quand ça vient du gouverneur. Mais ça, ils le font de eux-mêmes, ils appellent les gens à faire pareil. Par exemple, ils vont boycotter Coca, ils vont boycotter telle chose, car soi-disant, cela ramène de l'argent à l'État nommé Israël, qui font du mal à nos frères en Palestine. On dit les premiers mal que vous faites à nos frères en Palestine, c'est de rester chez leurs ennemis justement et d'accroître leur nombre. C'est-à-dire que même si tu bois pas de coca, le fait que tu vives là-bas, en payant des impôts, en faisant je ne sais quoi, tu contribues à faire prospérer leur économie. Donc c'est une chose qui est tout à fait absurde. C'est comme courir à l'envers. C'est comme courir à l'envers. Tu veux aller devant et tu cours à l'envers. Ça sert à rien. La première chose à faire, tu veux aider les frères en Palestine ou les frères ailleurs, c'est la taqwa d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'adorer Allah avec science, de façon légiférée. Amma a monté des choses par fouk, par hammas, adam et anfa. Donc pour eux, boire du coca, c'est haram. Mathalan. Hada yatrouf yad al-bab. Min sifat ahl jahiliya. Wa nukmil bil mas'ala arabi'a wa sab'in. On complète maintenant par la 74e mas'ala, qui est دعوتهم الناس إلى الضلال. Qu'ils appellent les gens à l'égarement. فقالت دعوتهم للناس للضلال بغير علم. Qu'ils appellent les gens à l'égarement sans science. قال في شرح الدعوة إلى الله بغير العلم هي من عمل الجاهلية لأن الله أمر بالدعوة إلى سبيله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. Donc, appeler les gens sans science vers Allah, cela parmi les œuvres des gens de la jahiliya. Car Allah SWT a ordonné de faire la da'wa, l'appel à son sentier, avec clairvoyance, avec science, avec sagesse et bonne exhortation. Et de débattre de la meilleure des façons. Donc les gens qui appellent à l'islam sans science, تَشَبَّهُ بِهَلِ الْجَهِلِيَةِ ils ont ressemblé aux gens de la jahiliya. Car appeler à la sans science, cela, par exemple, est parmi qui amène à appeler à adorer Allah sans science, cela amène à ressembler au Nasara. كَمَا قِيلَ فِي كُلِّ اللَّهِ عَزَى وَجَلْ فِي الْفَاتِحَ اِهْدِنَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمٍ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَوَلَا الظَّالِينَ les égarés, ce sont les Nasara, car ils ont adoré Allah SWT sans science. Donc cela revient à leur ressembler. Donc le fait, قَالَ فَدَعْوَتُهُمْ النَّاسِ إِلَى الضَّلَالِ أَيْ تَرْغِيبِ النَّاسِ فِي مُخَالَفَةِ الْحَقِّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا. Donc le fait d'appeler les gens à l'égarement, c'est-à-dire de les inciter à tomber dans la transgression de la vérité, Allah il dit dans le sens, et ceux qui ont mécru ont dit à ceux qui ont cru, suivez notre sentier. C'est-à-dire les gens de l'égarement appellent les gens de la droiture à suivre leur sentier. Ce qui va les amener à tomber dans les transgressions. Comme des gens qui n'ont pas étudié par exemple et qui se lancent dans la da'wa. On m'a informé de un individu en France, un miskin, qui ne parle même pas l'arabe, qui donne des doros et qui se spécialise soi-disant dans les sectes, dans la akida, dans les sectes. Donc sans arabe, je ne sais pas où est-ce que tu veux aller pour parler des sectes, parce que beaucoup de jubois de gens de l'égarement parmi les sectes, c'est que la langue arabe qui égare les gens. Donc c'est tout à fait absurde. Donc ces gens-là, on leur dit avant de commencer à faire d'arabe ce genre de choses, bah déjà commence par apprendre la langue arabe, ce serait une bonne chose. Apprends du Coran, pose-toi un temps chez les ulama, chez les mashayikh, chez les toulab mustafidin, et apprends. Et par la suite, si tu veux faire d'arabe, tu feras. Les gens sont trop pressés. Ils sont trop pressés. Et ils vont se demander c'est quoi leur niya à ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils attendent de cela? Des gens, ils ont un an de salafia, papa l'arabe, khlas, je suis un prédicateur. On dit pas qu'en un an tu peux pas acquérir des choses, tu peux connaître des choses. Et tu peux appeler des gens, ou bien faire un petit peu de da'wa, conseiller à droite à gauche de ce que tu connais, que tu as comme science. Non, on dit pas que c'est interdit. Mais de là, te mettre en avant, te faire passer pour un da'i, te faire questionner, répondre, et entendre le sujet que tu ne maîtrises pas, ça va t'amener à t'égarer. Et à guérir les gens, et à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, ça. Et les ulama, ils sont pas devenus ulama en un an. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé des gens faire da'wa, dans les pays à l'extérieur, il a envoyé les plus savants parmi les sahabas. Il n'a envoyé pas n'importe qui. Donc tout le monde a toujours un peu de khayl, même en trois jours d'islam, il se peut que tu aies appris des choses, des masa'il, et tu les fais partager aux autres. Ma affiché, il fait hada. Il n'y a pas de marzour, c'est pas interdit. Mais il faut différencier entre faire une da'wa à ton mustawa, à ton niveau, en privé ou à gauche, et une da'wa publique, c'est-à-dire te faire passer pour quelqu'un, taïeb, qui a des connaissances, ou qui maîtrise ses connaissances, chose qui n'est pas le cas. Et les gens comme ça, on les connaît. Ils apparaissent, disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. On en a comme par exemple, c'est un lot qui s'appelait là, Rachid Abu Huzaifa. Regardez les résultats. Au début, une da'wa trop précipitée, avec un faux semblant de sunnah, aujourd'hui, des paroles aux portes de la ridda, de l'apostasie. Et une peur des koufars. Avant, c'était Rotara saoudienne, grande barbe, masha'Allah. Et ça, c'est, alhamdoulilah, c'est matloub shar'an, c'est une chose qui est attendue de lui. Ça a fini comment? Pantalon, rasé, pour retourner à l'université. On dit pas la jamaa islamiyya fil Medina. Non. On dit pas l'université islamique à Medina. L'université chez les koufars. Regardez les résultats, les frères. Hada, hada min tawfiqillah, hada azza wa jal. Ça, c'est un succès apporté par Allah subhanahu wa ta'ala à son serviteur d'agir de la sorte. Hada min istirjal. Et ça, c'est des choses, c'est des gens qui ont un problème dans leur ikhlas. Ça, c'est un problème, ils ont un khalal dans leur ikhlas. Nasallallahu al-tawfiq wal-hidayah. Tayyib. Donc aujourd'hui, on a pris ces masa'il qui étaient à Walen, qui se vantent de ce qu'ils n'ont pas. Akhaza kazalik, qu'ils ajoutent des ibadah et ils en enlèvent certaines. Akhazna, qu'ils délaissent ce que Allah s.w.t. leur rendu obligatoire par piété. Akhazna kazalik, qu'ils se rapprochent d'Allah s.w.t. en délaissant les bonnes choses du risque et en délaissant az-zina, les parures. Et on a fini par leur appel, qu'ils appellent les gens à l'égarement. هذه المسائل التي أخذنا اليوم والحمد لله رب العالمين